Le lendemain, Rastignac s'habilla fort élégamment et alla, vers 3 heures de l'après-midi, chez Madame de Restaud. Il y retrouve l'amant de la comtesse, Maxime de Trailles, qui l'accompagnait au bal de la vicomtesse de Beauséant, et s'attire les sympathies de la comtesse et de son mari en évoquant sa parenté avec cette vicomtesse de Beauséant. Mais il produit l'effet inverse quand, ayant vu sortir le père Goriot de leur maison, il leur signale qu'il a né le voisin dans la même pension. Il se rend alors chez sa cousine, la vicomtesse de Beauséant.